pourquoi Pierre Curie a failli renoncer à son prix Nobel. En 1903, le prix Nobel de physique a été attribué à Pierre et Marie Curie. Mais comme les textes proposant les candidatures ne sont rendus publics que 50 ans plus tard, c'est seulement dans les années 50 qu'on a appris que la liste proposée initialement par l'Académie des sciences ne comportait que deux noms, Pierre Curie et Henri Becquerel. Il semble que le mathématicien Henri Poincaré ait joué le rôle principal dans une opération qui visait à exclure Marie Curie. Dès qu'il eut vent de cette décision, Pierre Curie écrivit à Henri Poincaré pour lui faire part de son mécontentement. « Cher monsieur, j'ai appris qu'il était question de nous proposer, monsieur Becquerel et moi, pour le prix Nobel, pour l'ensemble des recherches sur la radioactivité et que vous vouliez bien vous occuper de cette question. Ce serait pour moi un très grand honneur. Cependant, je désirerais beaucoup partager cet honneur avec madame Curie et que nous soyons jugés ici comme solidaires, de même que nous l'avons été dans nos travaux. Madame Curie a examiné les propriétés radioactives des sels d'uranium et de thorium et des minéraux radioactifs. C'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments nouveaux. Elle a fait tous les fractionnements nécessaires pour la séparation du radium et déterminer le poids atomique de ce métal. Et Pierre Curie terminait sa lettre en disant « Il me semble que si nous n'étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclaré en quelque sorte qu'elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. » Quelques mois plus tard, Pierre Curie envoya une autre lettre à un membre de l'Académie Nobel pour répéter ce qu'il avait dit à Poincaré. Il termina sa missive par une formule lourde de sous-entendu. « Il va sans dire que je ne compte pas du tout sur ce prix et que s'il ne nous est pas donné, je n'en aurai aucune déception. » Finalement, l'Académie royale des sciences de Suède, qui décerne chaque année le prix Nobel, l'attribua pour moitié à Henri Becquerel et pour moitié au couple Pierre et Marie Curie. Le grand mathématicien que fut Henri Poincaré ne sort pas grandi de cet épisode. Comme beaucoup d'hommes de son temps, il estimait sans doute que les femmes n'avaient pas leur place dans les laboratoires. C'est en tout cas dans ce sens-là qu'il éduqua ses enfants. Son fils Léon fut polytechnicien, mais ses trois filles n'eurent pas la possibilité de poursuivre leurs études et l'une d'elles fut même la secrétaire de son père. Lorsque Marie Curie reçut le prix Nobel de chimie en 1911, elle évoqua à son tour le rôle qu'avait joué son époux, décédé en 1906. « Je tiens à rappeler que la découverte du radium et celle du polonium ont été faites par Pierre Curie en commun avec moi. On doit aussi à Pierre Curie, dans le domaine de la radioactivité, des études fondamentales qu'il a effectuées soit seul, soit en commun avec moi, soit encore en collaboration avec ses élèves. À l'heure où les rapports entre les hommes et les femmes sont surtout vus sous l'angle de la domination masculine, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que ces relations peuvent aussi reposer sur des liens de solidarité. »